Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Ted Kennedy et l'accident de Chappaquiddick. Je ne cherche pas à échapper à la responsabilité de mes actes. En faisant porter le blâme au traumatisme physique et émotionnel provoqué par l'accident ou sur qui que ce soit. Je considère comme indéfendable le fait que je n'ai pas immédiatement signalé l'accident à la police. I regard as indefensible the fact that I did not report the accident to the police immediately. Le 25 juillet 1969, le sénateur Ted Kennedy essaie d'expliquer aux Américains ce qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 juillet. Cette nuit-là, Edward Kennedy est victime d'un accident de voiture à Chappaquiddick, tout près de Martha's Vineyard, au Massachusetts. Quand sa voiture quitte la route pour s'engloutir dans une rivière, Ted Kennedy réussit à s'en échapper, mais il est incapable d'en sortir Mary Jo Kopechne, qui l'accompagne ce soir-là. Ted Kennedy va mettre des heures avant de prévenir la police à la suite de l'accident. Aurait-il pu sauver la vie de Mary Jo Kopechne s'il avait appelé la police plus tôt et pourquoi a-t-il mis tant de temps à prévenir les autorités? Deux questions qui auront probablement forcé Edward Kennedy à renoncer à son rêve de devenir président des États-Unis. At midnight last Friday, Senator Edward M. Kennedy drove a car off a narrow bridge and into a pond on Martha's Vineyard, Massachusetts. A young woman in the car with him was drowned. Kennedy survived, but failed to report the accident until 10 hours later. Certains observateurs pensent que l'avenir politique du sénateur Kennedy, qui en principe devait être un candidat présidentiel pour les élections de 72, est gravement compromis par cette tragédie. D'autre part, et la façon dont il se serait comporté. D'autre part, le sénateur Mike Mansfield, qui est un peu le parrain du sénateur Kennedy au Congrès, pense que non, que l'avenir politique n'est pas compromis et qu'il a confiance dans les explications que le sénateur Kennedy pourra apporter à toute cette affaire. Il est trop tôt parce qu'en ce moment, sur la scène américaine, on pense surtout au succès d'Apollo 11. Il est trop tôt pour donner un coup de sonde au milieu du grand public. Et il est certain que pour tout le monde, on se dit encore une tragédie Kennedy. Dès le moment où tombe la nouvelle de l'accident de Chappaquiddick en juillet 1969, on commence, vous venez de l'entendre, à se demander à haute voix si Ted Kennedy ne vient pas de perdre toute chance de devenir président des États-Unis. Pour nous raconter les dessous de cette affaire de Chappaquiddick, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place ça occupe, cette histoire de l'accident de Chappaquiddick, dans la mémoire des Américains, ou en tout cas, tout le monde, l'histoire politique des États-Unis au 20e siècle? C'est un moment très important dans la vie politique américaine. D'abord, pour les Américains, c'est une autre saga Kennedy. Oui. Il y en a plusieurs déjà rendus à cette époque, en 1969. Et pour la vie politique américaine, c'est un tournant aussi parce que c'est un peu la fin du destin présidentiel des Kennedy. Oui. Parce que Ted Kennedy ne sera jamais président des États-Unis, aura de la difficulté à présenter cette image présidentielle par la suite. Oui. Et on l'a dans cette correspondance de Judith Jasmin, on le réalise bien dès le moment où l'accident se produit. Il y a des gens qui se pose ouvertement la question, est-ce que ça vient de mettre fin à ses espoirs présidentiels? Mais au fond, la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. Mais au bout du compte, on peut dire que c'est vraiment... C'est exactement ça. C'est ça. C'est, exactement ça. C'est ce qui a fait la différence. Oui, parce que ça va le hanter pendant... jusqu'à sa mort, en fait. Ouais. Avant d'aller plus loin, peut-être nous rappeler, vous parliez de ce clan, de cette dynastie Kennedy. Qui est Ted Kennedy dans cette dynastie-là? C'est le plus jeune des frères Kennedy. Donc, il vient après Bobby, après John Kennedy. Il est plutôt turbulent. Il a une jeunesse plutôt dissipée. Il va être pris à tricher à Harvard, par exemple. Conduite peu dangereuse sur la route. Va perdre souvent son permis de conduire. Donc, un jeune frère un peu enfant dissipé. Terrible. Enfant terrible, ouais. Effectivement. Alors que ses frères ont ses destins particuliers dans la vie politique américaine. Le jeune Edward Kennedy ne sait pas trop comment s'inscrire dans cette lignée-là. Il sera sénateur démocrate du Massachusetts pendant 47 ans, donc de 1962 à 2009. Ce sera le plus jeune whip au Sénat. Il sera surnommé le lion du Sénat. C'est quelqu'un qui va occuper une place extraordinairement importante dans le Sénat des États-Unis. Ce sera une figure emblématique du Congrès américain. Et il va devenir un des sénateurs les plus influents, d'ailleurs, de son époque, avec des politique plutôt progressiste qui vise vraiment à protéger les plus vulnérables de la société. Alors, il va demeurer dans l'histoire politique américaine, non pas comme candidat présidentiel ou même comme président, mais comme sénateur qui aura fait un travail tout à fait colossal durant tout le temps où il aura passé, qu'il aura passé au Sénat. Et quand cet accident arrive, c'est dans le contexte de ce clan Kennedy, puis c'est encore, j'ai dit, Jasmine en parlait dans cette correspondance qu'on entendait, c'est une autre tuile qui leur tombe sur la tête, c'est incroyable. Peut-être Kennedy fait partie de cette famille-là qui vit épreuve après épreuve après épreuve. Oui, parce que c'est l'assassinat de John Kennedy en 63. Ted Kennedy aura un grave accident d'avion en 1964 qui va lui laisser des blessures récurrentes au dos. En 1969, quand arrive l'accident de Chappaquiddick, son frère Bobby a été assassiné un an avant. Donc, on est dans une succession vraiment de drames. Il y en aura d'autres par la suite, notamment son jeune fils aura un cancer des os. Il survivra, mais devra être amputé, par exemple. Le fils de John va mourir dans un accident. Le fils de John va mourir en 99. Donc, la famille Kennedy, effectivement, est frappée par de nombreux drames et Ted Kennedy n'est pas à l'abri de ces drames. Bon, l'accident de Chappaquiddick, arrivons-en à cet accident-là, Karine Prémont. Qu'est-ce qui se passe cette fameuse nuit du 18 au 19 juillet 1969? Bien, d'abord, la circonstance, c'est une fête qu'on organise, que Kennedy organise avec ses assistants pour remercier des jeunes femmes qui ont participé à la campagne de Bobby Kennedy en 1968. Donc, on est au Lawrence Cottage à Chappaquiddick, on fait la fête. Et puis, vers la fin de la soirée, vers 11h15 à peu près, Kennedy dit « Moi, je rentre à mon hôtel. » Et Mary-Jo Kopechne dit « Bien, peut-être que vous pourriez me débarquer à mon hôtel, me ramener à mon hôtel également. » Alors, il quitte la soirée. Un peu après minuit, l'assistant du shérif va croiser la voiture des Kennedy qu'il va identifier plus tard, alors qu'elle est arrêtée sur une route. Et comme le shérif s'approche, parce qu'il croit que ce sont des gens qui sont peut-être perdus, la voiture reprend sa route un peu rapidement. Et d'ailleurs, l'assistant du shérif va dire, il me semble qu'elle va un peu rapidement pour le pont qui s'en vient. Et effectivement, c'est là que l'accident va se produire. La voiture prend le virage un peu trop rapidement et elle va tomber dans la rivière. Et c'est là où le comportement de Kennedy commence à être un peu étrange. Parce qu'effectivement, il dit « Je suis sorti de la voiture, j'ai essayé de sauver Mary-Jo, j'y suis pas arrivé. » Mais ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à pied au Lawrence Cottage. Il se repose un peu dans une voiture dont les portières sont déverrouillées. Il se repose un peu, reprend ses esprits, s'endort un peu. Ensuite, retourne à la fête et avise deux de ses amis, Joe Gargan et Paul Markham, qui étaient invités à la fête. Et là, leur dit « Écoutez, j'ai eu un accident. Est-ce qu'on peut aller voir? » Et les trois quittent, retournent au pont. Refont des recherches, n'arrivent pas à trouver la jeune femme, retournent à leur hôtel. Et les deux autres hommes ont l'impression que Kennedy va appeler la police, alors ils vont se coucher. Ouais. Et Kennedy aussi retourne se coucher. Il se réveille en pleine nuit, trouve que c'est un peu bruyant dans l'hôtel, parle de ça au propriétaire, retourne se coucher. Mais c'est le lendemain matin à 8 heures, quand Markham et Gargan se lève, qu'il voit Kennedy parler au téléphone à 8 heures du matin comme si de rien n'était, qu'il se rende compte qu'il n'a pas appelé la police. Et quand on demande à Kennedy pourquoi n'as-tu pas appelé la police, il dit ben je m'imaginais que peut-être elle serait ici ce matin et que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Et là, ils ont une discussion plutôt orageuse là-dessus parce que là, on comprend qu'il se met dans le pétrin. Et là, on appelle des amis, on appelle des avocats, on appelle des conseillers, notamment Robert McNamara, notamment Ted Sorensen, qui étaient des anciens conseillers de Kennedy, des amis de la famille. Et c'est alors qu'on parle au téléphone à ces gens-là. Et de fait, Kennedy, il est au téléphone le lendemain matin quand il apprend, je pense que c'est à la radio, que le corps de Mary Jo a été retrouvé. Exactement. Donc, il parle au téléphone et il entend ça. Et c'est là qu'il se dit, ben j'ai pas le choix. Là, je dois me rendre au poste de police. Qu'est-ce qu'il dit à la police? On sait pas trop ce que Kennedy va dire. C'est un épisode qui demeure nébuleux dans toute cette série d'épisodes un peu obscurs. Ce qu'on sait, c'est que son ami et conseiller Markham va rédiger une déclaration officielle qui sera lue par la police un peu plus tard. Ce qu'on ne sait pas, c'est, et ce qu'on soupçonne, en fait, c'est que la police aurait collaboré un peu à la rédaction de cette déclaration-là pour protéger un peu Kennedy, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et parce qu'on ne veut pas nécessairement accuser ou lancer, en tout cas, des rumeurs graves à l'encontre de Kennedy. Et donc, on essaie un peu de contrôler la crise. Ce qu'il dit essentiellement dans cette déclaration, c'est que l'accident est survenu parce qu'il ne connaissait pas bien la route. Il ne se souvient pas du tout de la façon dont il est sorti de la voiture parce qu'il aurait probablement eu une commotion cérébrale, aurait été en état de choc également. Et qu'aussitôt qu'il a su ce qui s'était passé, aussitôt qu'il a compris l'urgence de la situation, il a immédiatement contacté la police, ce qui n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où effectivement, on va entendre, c'est lui qui va entendre plus tard, alors qu'il est au téléphone, comme vous l'avez dit, qu'on a retrouvé la voiture et repêché le corps. Le lendemain matin. Alors que ça fait 10 heures que l'accident l'accident n'est pas déclaré. Ouais. Cet accident-là, ce qui est assez particulier aussi, ce qui va donner quelques jours de tranquillité à Ted Kennedy, c'est que cet accident-là se produit, puis je dis, Jasmin en parlait également dans la correspondance qu'on entendait au tout début de l'émission, ça se produit au moment où les Américains sont sur le point de mettre le pied sur la Lune. Donc, toute l'attention médiatique est tournée vers Apollo 11, vers les succès de la mission. Mais ça refait surface, donc, très peu de temps après. Et le 25 juillet 1969, on entendait un tout petit extrait au début de l'émission, Ted Kennedy va enfin s'adresser aux Américains à la télévision. The car that I was driving on an unlit road. La voiture que je conduisais dans la noirceur s'est engagée sur un pont étroit, sans garde-fou, aménagé juste après une courbe. La voiture a été projetée dans un étang profond et a été immédiatement inondée. And immediately filled with water. I remember thinking as the cold water rushed in around my head that I was for certain drowning. Alors que l'eau froide jaillissait autour de moi et entrait dans mes poumons, j'étais certain que j'allais me noyer. Je me suis débattu et j'ai pu sortir de l'eau sain et sauf. À plusieurs reprises, j'ai tenté de sauver Mary Jo en plongeant dans l'eau trouble et agitée. Mais je n'ai fait qu'augmenter mon degré de panique et de fatigue. Du mieux que je me souvienne, ce que j'ai pu dire ou faire dans les heures qui ont suivi n'a aucun sens pour moi. My conduct and conversations during the next several hours, to the extent that I can remember them, make no sense to me at all. Alors, c'est un Ted Kennedy, on va revenir sur ce qu'il vient de dire, là, il s'adresse aux Américains le 25 juillet 69, Karine Prémont. C'est un Ted Kennedy impuissant, un peu sonné qu'on entend, là. Oui, parce que là, il se rend compte de la gravité de la situation. Il doit rendre des comptes. Il doit expliquer son comportement plutôt bizarre. Et doit démentir des rumeurs aussi, parce qu'on l'a dit, il y a des rumeurs déjà concernant la nature de la relation qu'il entretenait peut-être avec Mary Jo Kopechne. Il y avait aussi des rumeurs sur le fait qu'il était peut-être en état d'ébriété à ce moment-là. Donc, il doit démentir ces rumeurs. Il va expliquer aussi pourquoi sa femme ne l'accompagnait pas à cette soirée-là. Elle se remettait d'une fausse couche. Et effectivement, il dit « Je ne comprends pas bien mon comportement. Il y a un mauvais sort qui s'acharne sur les Kennedy. » Mais de toute façon, c'est indéfendable. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais probablement sous le choc. Et je suis responsable, entre guillemets. Je suis responsable, mais je vais demander aux gens du Massachusetts, mes électeurs, de décider si je dois démissionner ou non de mon poste. Et de fait, qu'est-ce qu'ils vont décider? Comment va réagir la population, les médias à cette affaire-là? Il sera réélu en 1970 avec 62 % d'appui. Donc, c'est un signe assez évident que les gens du Massachusetts considèrent que c'est un accident et que tout ça n'est pas criminel, en fait. Ouais. À la fin de l'été 69, l'accident de Chappaquiddick, ça devient vraiment une grosse affaire médiatiquement. Si ça prend du temps au début avec Apollo 11, vraiment, là, ça va être l'été de Chappaquiddick dans les semaines qui suivent. Je vous propose à nouveau d'écouter une correspondance de Judith Jasmin, cette fois le 1er septembre 1969. Écoutez-la, elle décrit la folie médiatique qui entoure l'affaire de Chappaquiddick. L'association de Chappaquiddick s'est réunie cette semaine afin de discuter de l'encombrement inusité qui, depuis quelque temps, trouble le rythme tranquille de cette île privilégiée, ce havre de paix au large des soucis du monde, relié à Martha's Vineyard par un petit bac. Depuis une certaine nuit de juillet dernier, les touristes et les curieux, multipliés par mille, font la queue au bac, au point d'empêcher les résidents de Chappaquiddick de vaquer tranquillement à leurs affaires. Quelles affaires? Des ménagères allant faire leurs emplettes à Edgartown principalement. Mais tous ces étrangers, affirme le docteur Self, président de l'association, ne sont que des enquiquineurs et on doit leur dénier le droit d'utiliser le bac. Ce qui fut dit fut fait. Usant de ruses de Sioux, certains essaient de fréter des bateaux privés et de louer des bicyclettes. Aussi, aux dernières nouvelles, les 500 journalistes qui sont arrivés à Edgartown pour couvrir l'enquête du coroner de l'affaire Mary Jo Kopechne essaie à qui mieux de corrompre une population qui semble incorruptible. Ici Judith Jasmin à Edgartown, Massachusetts. Ah, qu'est-ce qu'elle va donner, cette fameuse enquête du coroner qui est évoquée dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Karine Prémont? Que va conclure l'enquête du coroner? D'abord, il n'y aura pas d'autopsie de Mary Jo Kopechne parce que le coroner va dire qu'il est clair que la victime est morte des suites de cet accident. Mais ce qui va toutefois expliquer, c'est qu'elle n'est pas morte sur le coup. Elle aura mis 2 heures à mourir. En fait, elle serait morte asphyxiée plutôt que noyée. Et ce qui remet en contexte le comportement de Kennedy, parce qu'on sait qu'il a mis plus de 10 heures à déclarer cet accident-là. Mais s'il l'avait fait plus tôt, est-ce qu'on aurait pu sauver Mary Jo Kopechne? Ce sera la grande question de cette enquête-là. Il sera accusé d'avoir quitté les lieux d'un accident alors qu'il y avait une personne en état de danger. Et il obtiendra pour cela 2 ans de prison qu'il ne fera pas parce qu'un juge va se suspendre cette inculpation-là en l'absence des antécédents de Kennedy. Il n'a pas d'antécédents judiciaires graves. Il y aura une deuxième enquête qui sera lancée au Massachusetts en 1970. Le rapport sera rendu 4 mois plus tard. Et là, on va déterminer que la conduite, à tout le moins, de Kennedy, la conduite automobile de Kennedy, a été faite de manière négligente, téméraire, a causé la mort de Mary Jo Kopechne. Mais puisque sa famille ne poursuit pas Ted Kennedy, ça va s'arrêter là, essentiellement. Oui. M. Kennedy va s'engager à verser près d'un million de dollars à la famille de la victime. Et ce sera la fin judiciaire, à tout le moins, de Chappaquiddick. Mais le début de l'affaire politique. La fin judiciaire, mais le début de l'affaire politique. On en revient à cet impact politique qu'a eu dans sa carrière l'accident de Chappaquiddick. Commençons par les élections qui suivent. Là. La présidentielle de 72, puis celle de 76. Il ne sera pas candidat, Ted Kennedy. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire avec l'accident de Chappaquiddick? Dans ses mémoires, il essaie de minimiser l'impact de Chappaquiddick sur sa décision de se présenter ou pas en 72 et en 76. Mais c'est clair qu'en 72, aussitôt que les rumeurs commençaient à circuler sur une éventuelle candidature de Ted Kennedy, bien, les journalistes et les médias passaient des clips de Chappaquiddick. On revenait toujours à cet incident. Et c'est pour ça qu'il a refusé de se présenter. Il a aussi refusé d'être le candidat à la vice-présidence de McGovern, qui sera le candidat démocrate. En 74, il va aussi annoncer qu'il ne sera pas candidat en 76. Encore une fois, on soupçonne les relents de Chappaquiddick parce que le dommage à son image a été terrible, bien évidemment. Surtout quand on a compris et qu'on a connu les causes véritable, ou en tout cas les trous dans l'histoire de Kennedy, assurément. En 79, il va en revanche dire, c'est bon, ça fait 10 ans, il sera candidat à la primaire démocrate, mais ça va le rattraper encore une fois, l'affaire Chappaquiddick. De quelle manière? Ça va le rattraper parce que, encore une fois, même si Carter est très impopulaire et qu'on juge qu'il a des chances peut-être de le battre, Chappaquiddick va revenir à l'avant-scène. On va lui poser des questions embarrassantes. Dans une entrevue très célèbre du 4 novembre 1979 à CBS, on va presque l'interroger, en fait, sur cet incident-là. On va l'accuser de mentir. Le journaliste va l'accuser de mentir. Et en fait, ce qui va achever la candidature de Kennedy, c'est la question pourtant simple. Pourquoi voulez-vous être président? Et on voit Ted Kennedy hésiter de longues secondes, de longues minutes, ne sachant pas trop comment répondre à cette question qui est pourtant centrale, sinon de dire, ben, mes frères l'ont été. Et on comprend alors que c'est la fin pour le candidat Kennedy. Et ce sera la fin de sa candidature à la primaire démocrate, et puis ce sera la fin pour de bon. Il va annoncer définitivement en 82 qu'il ne sera pas candidat en 84, puis il n'y aura plus c'est de... terminé. C'est terminé. 94, la BBC diffuse un documentaire à Karine Prémont dans lequel il y a de nouvelles hypothèses qui sont émises entourant cet accident. Que disent ces nouvelles hypothèses? Essentiellement que Kennedy serait retourné à son hôtel après avoir croisé l'assistant du shérif dont on a parlé précédemment, serait retourné à l'hôtel, aurait laissé la voiture à Mary Jo, essentiellement parce qu'il craignait d'être accusé d'adultère. Il a dit « Quelqu'un nous a vus, alors je retourne à mon hôtel, va chez toi, prends la voiture. » Et puisque c'était une très grosse voiture, c'était un lieu qu'elle ne connaissait pas, elle aurait eu cet accident. Et pour protéger un peu toute l'affaire, pour éviter ces rumeurs d'adultère, Kennedy n'aurait jamais expliqué les choses, mais on n'a aucun élément de preuve là, qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Pour l'instant, on est incapable de le dire. Avec le recul, au-delà du fait qu'il ne deviendra jamais président, quel poids ça aura, cette affaire-là, dans le souvenir qu'on va garder de Ted Kennedy? Je propose d'abord d'écouter un reportage d'Hugues Poulin, diffusé au moment de sa mort, de la mort de Ted Kennedy, au mois d'août 2009. « The hope still lives, and the dream shall never die. » C'était le cadet des frères au destin tragique. Joe, mort à la guerre. John, le président assassiné en 63, puis Robert en 68, qui semblait promis à la Maison-Blanche. Ted Kennedy devient alors le chef du clan familial. Ted Kennedy aspirait lui aussi à devenir président des États-Unis. Les électeurs du Massachusetts lui resteront fidèles, malgré la réputation de fêtard et de coureur de jupons qui lui colle à la peau. My name will not be placed in nomination. Le scandale de Chappaquiddick ruinera sa course à la Maison-Blanche contre le président Jimmy Carter en 1980. Mais c'est comme sénateur que Ted Kennedy a fait sa marque. Sa mort est un choc pour les Américains qui l'ont vu vieillir et se racheter pendant un demi-siècle. Le lion du Sénat est devenu au fil des ans un homme d'État. Edward Kennedy rejoint désormais ses frères dans la légende. We have never lost our belief. Hugues Poulin, Radio-Canada, Washington. Ted Kennedy meurt d'un cancer en 2009, Karine Prémont. L'affaire de Chappaquiddick va lui survivre d'une certaine manière parce qu'il va publier ses mémoires, des mémoires qui seront éditées de manière posthume, et il va reparler, bien sûr, dans ses mémoires de Chappaquiddick. Est-ce qu'il nous apprend quoi que ce soit dans ses mémoires? Pas grand-chose de nouveau. En fait, il répète ce qu'il dit depuis ce jour, depuis 1969. Ce qu'il dit en conclusion, c'est, et je cite, « J'ai pris des décisions terribles. J'ai dû vivre avec cette culpabilité toute ma vie. Ouais. » Quelle est cette culpabilité-là? C'est pas très clair, mais on comprend et on l'entend bien dans le reportage que nous venons d'entendre, qu'il a tenté ensuite toute sa vie de se reprendre, de se racheter. Disait Hugues Poulenc. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis vous le disiez aussi, comme il n'aura pas pu être président, c'est ce sénateur, ce lion du Sénat. Est-ce que c'est ça d'abord et avant tout qu'on garde de lui comme souvenir? Puis au fond, ça nous ramène à l'accident de Chappaquiddick. Quel poids ça va avoir eu dans le souvenir qu'on garde de lui, au fond? De quelle manière ça va avoir changé ce souvenir-là? Bien, ça va avoir changé son destin, alors qu'il se sentait peut-être forcé de devenir président parce qu'il portait cet héritage des Kennedy. Il sentait qu'on attendait de lui à ce qu'il devienne président à son tour, alors qu'il n'a jamais vraiment manifesté cette intention-là. Il a toujours senti qu'il était un peu inférieur à ses frères, qu'il n'avait pas cette passion nécessairement. Mais assurément, il sera devenu un excellent sénateur. Il aura changé la société américaine. Il aura été à la tête de projets de loi complètement très progressistes, en particulier sur les questions d'assurance sociale, par exemple. Et il a consacré sa vie au service public et a été une influence considérable sur beaucoup de sénateurs, républicains et démocrates. Et c'est toujours un peu bizarre de devoir mesurer la vie d'une personne versus le bénéfice, peut-être, qu'une collectivité au complet aura pu retirer de son travail. Et est-ce que ces 50 ans de brillant travail comme sénateur progressiste, ont réussi à effacer quand même ce qui lui a coûté sa présidence, mais cet accident, ce drame de Chappaquiddick? Je pense que ça a atténué à tout le moins l'impact négatif que ça avait, c'est-à-dire que ça fait partie de ces tragédies Kennedy, ça fait partie de cette histoire, mais ça n'enlève rien, selon les électeurs du Massachusetts, à tout le moins, au travail colossal qu'il leur a fait. Et c'est probablement pas de ça dont on se souvient spontanément aujourd'hui quand on parle de Ted Kennedy. Oui, parce que son actif est plus important peut-être que ce passif. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.